Bonsoir et bienvenue dans la première émission Fair Play. On se retrouve une fois par mois dans les studios de Radio Campus, tard la nuit, et pendant une demi-heure, des femmes de tout horizon musical et sonore utilisent le studio comme instrument. Nous sommes trois dans le studio ce soir. À ma gauche, Ocean Viva Silva. En face de moi, dans le petit studio, la vraie studio radio, dans sa bocale, Julia Drouin, qui est venue de Tasmanie pour nous rejoindre ce soir. Et moi-même, Dinah Bird. Fair Play Sessions. Les sessions Fair Play sur Radio Campus Paris. Voix discrète, n'hésitez pas à prendre la parole. Dinah Bird, présentez-nous Julia Drouin et Julia Drouin, présentez-nous Dinah Bird. Je vais commencer par vous présenter Dinah Bird. Pour moi, Julia Drouin, Dinah Bird, c'est un petit oiseau radiophonique assez discret qui m'a encouragée et présenté divers horizons radiophoniques quand j'ai commencé à m'y intéresser il y a plus de 10 ans, et qui insistait sur le fait qu'elle était une artiste radio. Et pour moi, ça m'a révélé à quel point la radio est une spécificité avec une possibilité assez infinie comme médium pour transmettre des opportunités, des événements, des pensées à partager sur le médium radiophonique grâce à Dinah Bird. J'ai envie aussi, moi, aujourd'hui, d'encourager des voix discrètes à prendre la parole, notamment à la radio, par la radio, avec des instruments radio, sur les ondes, sur Internet, pour agrandir, partager des communautés qui sont souvent sous-représentées et peut-être créer d'autres agoradio. Julia Drouin is. Julia Drouin is. Julia Drouin is. Green. Julia Drouin is. Pink. Julia Drouin is pink. Julia Drouin is pink. Julia Drouin is pink. Radio Balloons. Next. Julia Drouin is pink. Ce petit bouton. Radio balloons. Une forme d'onde. Julia Drouin is le savoir-vivre. La mission de la jeune fille. L'instruction pour les femmes. Grande question que celle-ci. Est-il bon que les femmes soient instruites ou n'est-il pas préférable qu'elles ne possèdent que les connaissances dont elles ne peuvent se passer dans leurs humbles et modestes rôles de ménagères? Nous ne craignons pas de dire que cette question est injurieuse pour les femmes et voici ce que nous répondrons. Une jeune fille doit recevoir une instruction sérieuse, solide, étendue, complète, même si sa condition le permet. On ne doit rien négliger pour orner son esprit et développer son intelligence. Les âmes, comme la terre, quand on les laisse en friche, ne produisent que des fruits sauvage. C'était le savoir-faire et le savoir-vivre, guide pratique de la vie usuelle, un livre de 1920. Julia Drouin, quel est votre rapport affectif à la radio en tant qu'instrument ? Je vais dans des supermarchés. J'essaie les radios. Les radios qui d'abord m'intriguent par leur aspect extérieur. Elles sont en display. On peut donc les tester. Et je cherche une fréquence vide, une fréquence qui n'est pas encore occupée. Je bidouille avec les boutons, ce petit bouton, et j'écoute si ces fréquences m'intéressent, si leur son m'excite, si leur mélange fait du sens dans ma tête. Avec ces petites improvisations, je sais si je vais acheter la radio en tant qu'instrument. Et voir combien de temps je peux rester au supermarché à faire des petits concerts jusqu'à ce que quelqu'un vienne me dire « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Julia Drouin, si vous pouviez déclarer votre flamme à Gregory Whitehead, ça sonnerait comment ? Merci Gregory Whitehead. Il était à Radio Revolta il n'y a pas longtemps, à Halle. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Ce grand homme, il est très grand par rapport à moi, mais je suis très petite en même temps. Il nous a beaucoup inspirés avec Coraline Janvier, avec qui j'ai organisé la journée de la création radiophonique en 2009 et 2011, où 100 artistes proposait une pièce radiophonique diffusée le même jour sur 56 radios FM online et dans des centres d'art. Nous avons donc essayé ce challenge, ce marathon, ce radioton, parce que Gregory Whitehead, qui faisait des démonstrations de ce qu'il appelle des incarnations, de ce qu'il appelle les radios cabarets, qui utilise une très grande interaction avec le public, nous a inspirés pour faire cette journée de la création radiophonique qui s'appelait Shake, Rattle and Roll, Radiophonic Creation Day, car il avait 20 ans plus tôt fait la même chose. Il avait initié un mouvement, il avait proposé 24 heures de radio création et aussi avait créé une pièce radiophonique titrée de la même façon, Shake, Rattle and Roll. Juste une autre personne qui nous a ouvert la voie, ouvert les yeux, ouvert les oreilles sur ce que propose le médium radiophonique. Mesdames, comment bercer les auditrices et les auditeurs à cette heure tardive ? Une petite ritournelle peut-être ? Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent, frais, vent du matin, sous le vent, le sommet des grands. Vas-y, on recommence. Je veux un canon. Alors, tu commences. Où je commence ? Tu te rappelles ? Ouais, allez. Okay. Je commence ? Oui. Voilà. Un peu plus là, à 10h. Mais alors, Juliette Rouin, paysage sonore ou cinéma pour l'oreille ? Je dirais même performance dans l'espace public. Plus qu'une demi-mention. Un paysage sonore, je suis pas sûre. Le paysage, pour moi, c'est visuel, c'est sonore. C'est une texture sous les pieds, une odeur, une sensation d'espace. Du cinéma pour l'oreille, c'est quand je vais au cinéma. J'aime beaucoup expérimenter les propositions radiophoniques des ondes invisibles dans une architecture spécifique avec des gens qui l'habitent dans un espace public. Dinah Bird, êtes-vous une griotte sénégalaise ou êtes-vous dans une grotte au Sénégal ? Je dirais dans une grotte. Une grotte où on entend ma voix d'ailleurs en double. J'espère que je suis nulle part. Accompagné par quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est mieux. Mais j'ai l'impression qu'il y a un écho, qu'il y a une voix qui rentre dans ma tête, qui me pose la même question et qui se répète. Peut-être c'est l'effet de la grotte sénégalaise. Mais j'ai trouvé ce petit instrument au fond de la grotte, avec une voix qui me parlait justement de la radio. Mais le problème, c'est que dans ces grottes, on reçoit pas très bien les ondes radio. Donc on doit beaucoup se répéter. Mais alors, Julia Drouin ? Mais par contre, au fond de la grotte, quelqu'un m'a parlé de Julia Drouin, justement. Et on m'a dit que c'était juste une question de temps qu'on se croise. Donc je suis content. On dirait que c'est fait. Mais alors, Julia Drouin ? Pas besoin de frapper à ta porte. J'ai pas de porte dans ma grotte. Et en parlant de frapper, Dinah Bird, si vous aviez un marteau, vous frapperez sur qui ou sur quoi ? Mais alors, Julia Drouin, paysage sonore ou cinéma pour l'oreille ? Ow, exactement, c'est ça la question. Ow, c'est la question. Est-ce que je martyrais quelqu'un ? Mais non, parce qu'il y a peut-être trop de gens qui m'énervent. Et si je les martyrais, c'était d'ailleurs, ce serait sur les bouts de leurs doigts. Mais comme on est dans cette studio de radio, ce que je ferais, c'est que je les mettrais dans ma chaise, parce qu'on va entendre ma chaise. Et cette chaise, c'est super énervante. Et la personne que je mettrais dans ma chaise... Ben, je le mettrai là, et puis je laissais courir jusqu'à dire plus rien. Là, c'est 9h. Donc, je pense que ce serait plus efficace qu'un marteau. Toujours à 9h. Et vous leur feriez écouter peut-être ce que vous-même écoutez en ce moment, sur cette chaise radiophonique. Je mettrai ça à la place. Et vous, Julia Drouin, vous écoutez quoi en ce moment ? En ce moment, j'écoute Borizo Bashimama for Hachemara. Haché, ça veut dire hashtag. En Afrique du Sud, là où j'ai passé une semaine. Je vais mettre le CD. Et pendant que tu mets le CD, je vais juste vous dire, c'était un mix de, que j'ai fait, mais d'un morceau que je trouve absolument fantastique, des femmes en Burundi qui font, juste deux jeunes femmes qui font une chant diphonique. Et j'ai ensuite mixé avec deux, enfin j'ai doublé, donc c'était quadrophonique, mais je trouve ça d'une beauté inouïe. Elle s'appelle comment ? Je ne sais pas, c'était un enregistrement, c'est sur un CD Okora, c'est des enregistrements anthropologiques, donc on ne sait pas, c'est juste deux femmes de Burundi. D'accord. Voilà. Donc je ne peux pas vous donner d'autres informations. C'est très beau. Et donc DJ Drouin se met aux platines. Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azamara, Azam Voici arrivé à la fin de cette Fair Play Session. Une question peut-être ? Une question que vous vous posez constamment pour terminer et peut-être pour jamais ? Moi, je dirais ne jamais terminer. Ma question en ce moment, étant donné que j'utilise des techniques de développement de projets collaboratives, Je me pose la question, quelle est la meilleure manière ou la meilleure approche pour continuer de créer des opportunités, des moments radiophoniques, collectifs, participatifs, éphémères, pour étendre, ouvrir, discuter sur les questions diverses qui nous intéressent ce soir. Peut-être ma question, ce serait, je ne sais pas trop si je suis à ma place, comment décrire mon rôle. Alors je vais mettre plusieurs mots et je réfléchirai à ça dans 6 mois, si ça correspond toujours à une sorte de mission que je me suis donnée. Donc quand on me demande qu'est-ce que je fais quand je suis à la douane à Berlin et que j'ai oublié que j'avais mis une balance pour peser mon chocolat, pour faire des vinyles qui jouent de la musique, après on les mange, et qu'on m'a demandé qu'est-ce que je faisais, parce que j'allais me faire arrêter, parce qu'on croyait que c'était une bombe. Alors j'ai dit que j'étais une artiste radiophonique, mais je pensais que je suis une curatrice, mais plutôt d'ailleurs une médiatrice, ou une coordinatrice, ou une initiatrice, ou une impératrice, ou une institutrice, mais surtout une apprenante, et je pense souvent aussi très énervante. Et j'espère avoir encore l'occasion de partager des moments avec des personnes diverses et variées pour réfléchir sur le sujet radiophonique. Merci. Thank you. Alors, c'était la première Fairplay Sessions en direct du studio 112 de Radio Campus Paris. Il est tard. Vous avez écouté Juliette Rouen, Ocean Viva Silva et Dinah Bird. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Fairplay, www.fairplay.hotglue.me. À la prochaine.